Chapitre 3e de Saint Paul à Salazie. Saint Paul a été jusqu'à ces derniers temps le chef-lieu d'un des arrondissements de l'île appelée la partie sous le vent. La Réunion est divisée en deux régions principales, et Saint-Denis est à la fois la capitale de la colonie et le chef-lieu de la partie du vent. Ces dénominations sont empruntées au langage maritime et viennent de la position qu'occupe chacun de ces districts par rapport à la direction des vents généraux de la contrée. La partie du vent est la plus fertile, la plus fraîche et il pleut presque toute l'année. Les brises y sont aussi très fortes et souvent très désagréables, comme à Saint-Denis. La partie sous le vent est en bien des points stérile. Il n'y pleut guère que pendant la saison pluvieuse, l'été, c'est-à-dire d'octobre à mars, mais il y pleut alors à torrents, comme dans toute l'île. La chaleur y est en même temps très élevée et le thermomètre monte souvent à 35 degrés centigrades. Pendant la saison sèche, la température baisse, le ciel est toujours serein, aucun nuage n'emboîle l'azur. Saint-Paul jouit alors d'un climat des plus agréables qui compense les fortes chaleurs de l'été. Malgré le calme et la douceur d'un si beau séjour, qui semble convier au plaisir et à la vie extérieure, les Saint-Paulois, comme on les nomme, vivent confinés dans leur silencieuse demeure. On ne remarque un peu de mouvement le jour que dans les rues principales de leur ville. Les beaux jardins plantés au devant de chaque maison restent sans culture. Les varangues tombent en ruine. On dirait des demeures inhabitées. Le soir, toute vie s'éteint. C'est à peine si la pâle lumière d'un lustre éclaire quelques varangues, et pendant que, devant la grille qui donne sur la rue, les domestiques de la maison, tous pêle-mêle, hommes et femmes, hindous ou noirs, se livrent à une conversation banale. On entend les maîtres qui, étendus dans leur vaste fauteuil, sommeillent d'une façon sonore sous la varangue ou dans le jardin. Bientôt la lumière s'éteint, et avec elle le peu de vie qui restait. La ville se cristallise et ne consent renaître que le lendemain avec le jour. Or on sait qu'il est nuit de bonne heure sous les tropiques et que les crépuscules y sont de peu de durée, et cela toute l'année. Le soleil se lève tard aussi, et c'est partant 12 heures de mort auxquelles, de gaieté de cœur, se condamnent quotidiennement les Saint-Paulois. Ils sont renommés dans toute la Réunion pour cette vie paresseuse, indolente. Et bien qu'à Saint-Denis et à Saint-Pierre les soirées ne soient pas souvent plus attrayantes, les Saint-Paulois remportent encore le prix de la nonchalance et du laisser-aller. Je n'étais pas venu à Saint-Paul pour me confier dans cette existence de moine, et je profitais des premiers beaux jours de mai pour retourner à Saint-Denis. Après avoir de nouveau passé quelque temps dans cette ville, et fait une visite au gouverneur de la colonie, l'excellent M. Daricot, que j'allais voir dans son ermitage de Saint-François, à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer et de l'hôtel du gouvernement, je repris le bâton de voyage. Un créole dont j'étais devenu l'ami, et qui portait glorieusement le prénom romain de Manlius, me proposa de l'accompagner jusqu'à sa propriété de la rivière des Roches, et de là aux sources thermales de Salazie. Je n'eus garde de refuser, et le 7 mai nous partîmes de Saint-Denis. La route aux sorties de la ville est des plus animées. C'est un véritable jardin. C'est le gracieux commencement de cette route de ceinture qui fait tout le tour de l'île, ayant pour limite d'un côté la mer qui vient caresser les talus du chemin, de l'autre, des plantations de vanille autour des manguiers aux ombrages sombres, ou bien des champs de canne et de maïs, dont le vent balance les aigrettes. De loin en loin, des villages coquets, tels qu'on en voit qu'à Bourbon, cachés derrière les cocotiers et les tamarins, se succèdent comme les anneaux d'une chaîne pour varier ce paysage enchanteur. À droite, à l'horizon, une série continue de pitons basaltiques, roches vomies par le feu central de la terre et émergées du fond de l'océan, courent dans la direction du nord-ouest au sud-est, suivant le grand axe de l'île. Les flancs de ces montagnes abruptes sont couverts de forêts encore vierges, où se retrouvent le bois d'ébène, le bois de ronde, le bois d'olive, le bois puant, le bois blanc, le bois jaune et 1000 autres essences coloniales aussi naïvement dénommées. Le village de Sainte-Marie, placé auprès de Saint-Denis, comme Auteuil à côté de Paris, formait la première étape de mon agréable excursion. De Sainte-Marie à Sainte-Suzanne, les maisons vont se succédant à droite et à gauche de la route. Bientôt, on aperçoit le phare de Bel-Air, qui dresse au milieu des Philaos sa tour blanchie, dont la base est baignée par les vagues. Après Sainte-Suzanne vient le quartier français, autrefois planté de riz, de blé et de maïs, aujourd'hui semé de cannes comme toutes les terres de la colonie. La précieuse graminée a tout envahi. Elle s'étend jusqu'au flanc des montagnes, elle s'avance jusque sur les rivages de la mer. Pour elle, on néglige tout. Le riz, base de l'alimentation créole, est tiré des colonies de l'Inde ainsi que les grains pour les bestiaux. La viande de boucherie et les oiseaux de basse-cour viennent de Madagascar, dont on exporte aussi du riz, faisant concurrence à celui de l'Inde. Il se peut qu'en continuant ce système, la colonie meure un jour de faim. Mais qu'importe, la canne est d'une culture assurée, donnant de très grands profits. Elle résiste aux ouragans et la récolte ne manque jamais. Les propriétés fertiles du Chamborn, que nous ne tardâmes pas à traverser, sont elles-mêmes presque partout cultivées en canne. Au siècle passé, elles produisaient surtout du café et des épices, qui firent à cette époque la fortune de la colonie. Le café, dont les plants avaient été directement importés de Mocha, et les arbres à épices, le giroflier et le muscadier, que le naturaliste poivre, au péril de ses jours, était allé emprunter aux colonies hollandaises de l'Inde, faisaient de l'île Bourbon au XVIIIe siècle comme un immense verger fleuri. Les ouragans de 1806 et 1807 et celui de 1829 détruisirent successivement tous les grands arbres de l'île, les arbres à épices, puis les bois noirs qui servaient d'abri aux caféiers. La culture alors changea, et la canne, que l'on exploitait avec succès à Maurice, fut importée en 1815 à Bourbon. On sait l'essor qu'elle y a pris depuis. Les autres cultures ont été négligées. Cependant, on récolte toujours au Chamborn du tabac dans une grande proportion, et les créoles fument avec délice les feuilles provenant de ce district, roulées en odorantes et humides carottes. La culture des arbres à fruits, surtout les oranges, les citrons galets, les bangassaï ou mandarines de Bourbon, est également d'un très bon revenu dans cette localité. En quittant le Chamborn, je traversais Saint-André, autre quartier semé de fleurs et couvert d'ombre comme les précédents. Çà et là sont quelques riches habitations reliées à la route par de magnifiques allées de palmistes. Cet arbre croît naturellement dans les bois de l'intérieur. À la partie supérieure du tronc est un bouquet de feuilles tendres enroulées et fortement comprimées les unes sur les autres. C'est le chou. On abat l'arbre pour manger le chou et c'est la meilleure salade et le plus agréable légume que l'on puisse servir sur une table de gourmet. Au sortir de Saint-André, je traversais sur un pont suspendu la rivière du Mât. À l'époque des pluies, ce ruisseau roule des eaux impétueuses, mais jamais son pont n'a été emporté. La rivière des Roches, qui succède à celle du Mât, marquait le terme de ma course. Je trouvais chez mon ami bon souper et bon gîte, et je remerciais les dieux. Son respectable père, que la mort a depuis ravi aux soins respectueux de son fils et à l'estime de tous ses amis, vivait là en patriarche. C'était un Marseillais de vieille souche qui savait par cœur toutes les chansons provençales des anciens et des nouveaux troubadours. Il m'accueillit avec un refrain et nous nous mîmes tous gaiement à table. Voyageur cosmopolite, je m'étais fait à la vie créole et au régime alimentaire des colons. Le riz arrosé de carie, le piment brûlant comme le poivre, les achats colorés par le safran, les rougailles funestes au palais novice étaient devenus pour moi des mets favoris et ne m'avaient étonné que les premiers jours. Je mêlais tout cela dans la même assiette avec le poulet en entrée, les brèdes aux feuilles de morel et les bichiques, ces microscopiques poissons dont on avale plus de 100 dans une cuillerée. Suivant la mode coloniale, nous avions chacun un grand verre pour l'eau et un petit verre pour boire le vin et porter les santé. Devant nous était aussi le sacramentel lavabo de cristal bleu que l'on sert à Bourbon dès le commencement du dîner et où j'ai vu des créoles se laver les mains par intervalles pendant tout le temps du repas. Le comble du bon goût consiste à y tremper de temps en temps les deux doigts et à les passer ensuite sur les moustaches quand on est muni de cet appendice flatteur. Nous ne fîmes point chez M. Manlius cet usage irrévérencieux du lavabo. Notre hôte ne nous servit pas non plus un des repas homériques tels qu'on en donne quelquefois à la Réunion ou, comme dans l'Iliade, on sert sur la table des moutons et jusqu'à des bœufs tout entiers. Mais nous nous conduisîmes tous bravement. Une montagne de riz, tout un jardin de brède, deux ou trois hôtes de la basse-cour et plusieurs milliers de bichiques disparurent en un clin d'œil. Il paraît que l'appétit s'augmente à la chaleur des tropiques. Il en est de même de la soif. Nous portâmes tour à tour nos santé respectives et le dessert venu, M. Manlius père nous chanta, d'une voix encore fraîche, tous les refrains provençaux qu'il avait appris dans son jeune âge. Cette belle langue du midi, sonore et harmonieuse, mêlée de grec et de latin dont elle a gardé la prosodie, m'était encore plus douce à entendre à 3000 lieues du sol natal. Je remerciais du fond du cœur mon aimable compatriote, dont les souvenirs étaient si vivaces et dont les chants venaient de me rappeler les plus beaux jours de mon enfance. Aux alentours de l'habitation où cette gracieuse hospitalité m'était offerte, croissaient des arbres à épices, derniers restes de ceux du siècle passé. Le cacao, le manioc, la vanille étaient également cultivés. Vers la rivière des Roches, le mangoustan, le jamalac, le jam rose couvraient le sol de leurs frais ombrages. C'est de cette douce retraite où je passais quelques jours si heureux que je partis un matin pour aller visiter les eaux thermales de Salazie. Elles sont situées à l'extrémité des gorges de la rivière du Mât, à près de 1000 mètres d'altitude. Ce n'est plus une localité tropicale, c'est une vraie situation alpestre, et les habitants de Bourbon viennent souvent, en été, demander à ces lieux la fraîcheur des contrées tempérées. Tout le long de la rivière du Mât, la route s'attache au flanc d'une haute montagne, avec un précipice à pic en contrebas, et au-dessus de l'abîme, des colonnes de basalte qu'on dirait prêtes à tomber sur la tête du voyageur. Le pont en charpente de l'escalier, le pont américain de Salazie, marque deux étapes de cette route pittoresque. Des framboisiers et groseilliers sauvages, des chouchous s'étendant sur le sol comme des lianes, croissent tout le long du chemin. Ça et là, une source d'eau fraîche qui parfois tombe en cascade, semble couler à dessein comme pour offrir aux piétons un moyen peu coûteux de se désaltérer agréablement. M. Mollius fils m'accompagnait. À Salazie, où nous nous arrêtâmes, il me présenta au créateur de ce village, M. Cazot, qui en 1830 s'était fixé dans ce désert avec sa famille. Alors la rivière du Mât n'était pas pontée. Il fallait en chercher les gués à tâtons, et M. Cazot se rappelle l'avoir franchi plus de 30 fois pour arriver au terme de sa course. Une année que l'orage avait gonflé le torrent entre mesures, il ne put descendre de tout un mois à Saint-André pour renouveler ses provisions. Il serait mort de faim sans un champ de citrouilles qu'il avait planté et auquel il dut la manne providentielle qui le sauva lui et les siens. Je passai la nuit à Salazie, et le lendemain, avec l'aube, je poursuivis ma route jusqu'aux sources thermales, par les rampes de la savane et la mare à poules d'eau, deux sites qui me rappelèrent, en miniature il est vrai, l'un les gorges sauvages des Pyrénées, l'autre les lacs paisibles de la Suisse entourés de sombres forêts. C'est par ce chemin pittoresque que j'arrivai au fond du cirque de Salazie. Je visitai l'établissement de bains, l'hôpital et quelques gracieux cottages des environs. Les eaux minérales se dégagent de deux sources différentes, l'une chaude à 32 degrés, l'autre à la température ordinaire. Elles sont ferrugineuses, gazeuses et alcalines. Elles ont été découvertes en 1831 par des chasseurs de cabris. On leur trouve beaucoup de ressemblances avec les eaux de Vichy, et de même, elles sont employées avec avantage dans les maladies de foie et d'estomac. Fraîches, elles forment une très agréable boisson et mousse comme l'eau de Seltz. Les travaux de captage des sources thermales n'ont pas été conduits avec assez de soin. L'eau du ravin voisin s'est mêlée avec l'eau minérale et l'on est obligé de chauffer les bains pour les malades, ce qui fait perdre à l'eau une partie de ses éléments chimiques et partant de ses propriétés médicales. Le cirque de Salazie est avec le volcan du Grand Brûlé et le cirque de Sillaos, deux autres localités que nous visiterons bientôt, un des points les plus curieux de l'île de la Réunion. Les montagnes qui forment le cirque s'élèvent à pic de toutes parts, elles sont couvertes d'arbres et leur cime est souvent cachée dans les nuages. Le Piton des Neiges, le Grand Morne et les Trois Salazes, point culminant de l'île, apparaissent derrière le cirque et en forment comme le dernier plan. En se retournant vers Salazie, on aperçoit à sa droite la montagne ou rempart de la fenêtre, avec son rideau d'éternelle verdure, d'où s'échappent de nombreuses cascades à l'écume blanche qui tombent en poussière. Cette montagne est ainsi nommée de la curieuse anfractuosité qui interrompt en un point sa crête rectiligne. À gauche est le morne de Fourche, et au milieu, isolé comme un cône gigantesque, le piton d'Herchin, dont la pointe s'élève jusqu'à 1400 mètres de haut. Ce piton a sa légende. Anchin était un esclave mozambique qui brisa ses fers et partit marron. Il se cacha dans les gorges de la rivière du Mât en ces temps inhabités, et pour échapper encore plus sûrement aux recherches de détachements qu'on envoyait alors à la poursuite des esclaves fugitifs, il gravit les flancs escarpés du piton auquel il a donné son nom. Il se tapit dans une ajoupa, sorte de cahut de sauvage, et vécut là de racines, de songes et de fangeants, fougères qui renferment une fécule nourrissante. L'eau était fraîche et pure aux environs, et il n'en fallait pas davantage au bon Africain, qui ne demandait que sa liberté sous la lumière du ciel. Anchin avait été suivi de sa femme. Pendant 10 ans, il vécut dans cette retraite inaccessible, content et heureux. Il lui fut bon époux et bon père, et sans que le fouet du commandeur s'en mêlât, Il éleva du mieux qu'il put les 7 enfants que lui donna sa fidèle compagne. Mais trop de sécurité nous perd. Et un jour, quand Chat avait allumé du feu devant sa cabane, la fumée bleuâtre qui montait au milieu des arbres fit découvrir sa retraite. Il fut pris sans même pouvoir se défendre et ramené à son maître qui, dit-on, lui pardonna par pitié pour sa nombreuse famille. Comme mon compagnon achevait de me raconter cette intéressante histoire, nous étions de retour au village de Salazie. Nous fîmes atteler notre voiture et descendîmes au petit trot, la route en précipice qui mène à Saint-André. Il n'y a du côté de l'abîme aucun parapet, pas même de garde-fou. La Providence veilla sur nous une partie du chemin, mais à peine avions-nous franchi le pont de l'escalier que notre cheval s'abattit. Un des brancards se cassa, et nous fûmes projetés hors du véhicule. Nous nous en tirâmes sains et saufs, allant tomber juste sur le milieu de la route, sans la moindre fracture. Après avoir réparé du mieux que nous pûmes le dégât de notre carriole, nous la remîmes entre les mains du domestique indien qui nous avait suivis, courant derrière la voiture, suivant l'habitude du pays. Nous terminâmes le voyage à pied. Mais le courroux du ciel s'était décidément déchaîné contre nous, car à peine étions-nous sortis de Saint-André que la pluie tomba à torrents. C'était une de ces pluies comme on n'en voit que sous les tropiques et dans ces parages de l'île Bourbon. Tous les cataractes d'en haut coulaient à la fois. Il tomba plus d'un pied d'eau en une heure. Les éclairs illuminaient à chaque instant l'horizon, et le tonnerre répété par tous les échos des montagnes faisait entendre un roulement continu. En même temps, la nuit était tout à coup venue, noire et profonde à ne pas voir à deux pas devant soi. Je ne devinais plus mon chemin qu'à une rivière qui, descendant par l'axe fortement incliné de la route, m'inondait jusqu'à mi-jambe et menaçait de m'entraîner. Je distinguais à peine mon compagnon, et nous poussions de temps en temps de grands cris pour ne pas nous perdre l'un l'autre. Enfin, on vint au-devant de nous avec des lanternes, et nous arrivâmes littéralement mouillés jusqu'aux os. C'est ainsi que se termina de la façon la plus inattendue une excursion agréablement commencée. Nous fîmes naufrage au port, et si nous ne pûmes pas dire que notre partie était tombée à l'eau, du moins on aurait pu croire que nous y étions tombés nous-mêmes.